vendredi 9 novembre, pour aller plus loin. Lisez Ellen G. White, Le Divin Berger, pages 474 à 481 dans Jésus-Christ. Dans le cadre du Temple de Jérusalem, ainsi que des structures répandues dans le monde gréco-romain, les auteurs du Nouveau Testament emploient la métaphore du Temple pour permettre aux croyants de visualiser la sainteté de l'Église, le rôle de Dieu dans la fondation et la croissance de l'Église, la nature fondamentale de l'œuvre de Christ et de l'Esprit, ainsi que la solidarité des croyants au sein de l'Église. Le domaine architectural semblerait indiquer une image statique, mais la métaphore est employée en lien avec l'image biologique et le processus de construction est souvent mis en avant. Plutôt qu'une image statique, nous sommes incités à visualiser le déroulement de la construction plutôt qu'un édifice achevé. L'Église reçoit le privilège extraordinaire de reconnaître humblement dans sa propre vie et sa propre histoire le temple du Dieu vivant. À méditer, réfléchissez aux métaphores bibliques de l'Église. Laquelle préférez-vous? Pourquoi? On trouve d'autres métaphores de l'Église dans ces passages. Quels autres enseignements ces métaphores nous donnent-elles sur l'Église dans 1 Timothée 3 au verset 15, 2 Timothée 2 les versets 3 à 5 et 1 Pierre 2 le verset 9. Dieu veut que son peuple soit uni par les liens les plus étroits de la communion chrétienne. La confiance en nos frères est essentielle à la prospérité de l'Église. L'unité d'action est importante dans une crise religieuse. Un pas imprudent, un acte inconsidéré peuvent plonger l'Église dans des difficultés et des épreuves dont elle se relève que bien des années plus tard. Qu'est-ce que cet avertissement devrait nous enseigner sur la prudence dont il faut faire preuve pour conserver l'unité de l'Église? Quel rôle chacun d'entre nous a-t-il dans cette responsabilité sacrée? L'étude de dimanche soulignait que même en tant que peuple de Dieu, nous devons compter uniquement sur la grâce de Dieu pour notre salut et jamais sur nos propres mérites. En réalité, ne pourrait-on pas dire que c'est notre dépendance envers les mérites de Dieu pour notre salut qui fait de nous le peuple de Dieu? Est-ce une affirmation valide ou non? Et pourquoi ?